Printemps. Tendre, la jeune femme rousse, que tant d'innocence émoustille, dit à la blonde jeune fille ces mots, tout bas, d'une voix douce. Sève qui monte et fleur qui pousse, ton enfance est une charmille. Laisse errer mes doigts dans la mousse le bouton de rose brille. Laisse-moi, parmi l'herbe claire, boire les gouttes de rosée dont la fleur tendre est arrosée. Afin que le plaisir, ma chère, illumine ton front candide, comme l'aube, l'azur timide.